Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de festival en 2020? Bien, le FME est là pour vous surprendre, car le premier événement COVID-friendly d'envergure se tiendra bel et bien du côté de Rouyn-Noranda du 3 au 5 septembre prochain. Au rendez-vous, du plaisir en distanciation, mais surtout des prestations de Backwash, Ken Lo, Eman, Jonathan Person, No Bro, Corridor, Les Shirleys et plusieurs autres. Pour vous procurer des billets ou pour toute autre info, visitez le fmeat.org. Du 28 août au 13 septembre, la 4e édition du Festival des arts de ruelle se déroulera dans Ville-Marie et Rosemont-la-Petite-Patrie. Shows de balcon, parades, pop-up artistiques diffusés en direct sur Facebook. Cette année, on fait la fête dans Ruelle avec Super Plage, Virginie B, Maxime Auguste et plein d'autres belles personnes. Toutes les infos à festivalphare.com. Le Phare 2020 est une présentation du Conseil des arts de Montréal, du gouvernement du Canada et de Choc.ca. Le septuor montréalais Original Gros Bonnet est de retour avec un album envoûtant à l'avant-garde du hip-hop québécois. Dans ce deuxième long jeu, leur groupe propose grâce à une instrumentation extrêmement variée une version plus mature de leur hip-hop infusé de jazz, de rock, de folk et de pop. Voici Tous les jours printemps. L'album est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio, et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Salut, unique, c'est nous autres. Meilleur podcast de Montréal, je le répète au passage. Oh, juste demain. Mon nom est Jess PVM et je suis non-binaire et je ne pense qu'à moi et je suis donc non-binaire. C'est que c'est beau. Oui, hein? J'ai écrit ça hier soir. Yes, c'est tellement bon. Dans mon petit cahier de notes. Toujours dans l'ordre rose. Moi, c'est Charlie Morin et ça a l'air que le département d'études féministes de l'UQAM est en feu. Les profs se peuvent plus. Depuis les années 80, c'est la première fois qu'il n'y a pas juste eux autres qui attendent la deuxième vague. Le retour de la deuxième vague. Ils capotent. Tout le monde attend la deuxième vague. Fait que c'est ça. Le party est pogné. Moi, je pensais que c'était en feu parce qu'il avait fait un gender reveal party. Non, c'est vraiment juste le retour de la deuxième vague, bien énervé. Ah. Puis, on n'est pas tout seul. Ah! Il y a quelqu'un ici! Il y a quelqu'un ici, notre grande chemin, Alejandro Polanco, candidate à la maîtrise en théorie politique. Allô? Salut, salut! Ça va? Ça va bien, toi? Ben, je mentirais si je disais que ça allait bien. Ouais. J'espère que c'est un mensonge, toi aussi. Let's be real. Là. Tu vas-tu si bien que ça? Ben, ça va. Là. J'ai juste une petite nausée là, à cause des deux prep que j'ai une popée. Mais sinon, ça va. On n'est jamais trop safe. Hein? Deux plutôt qu'une. Elle a manqué sa dose hier, fait qu'on en prend deux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que, quel bon segue. Vous l'aurez deviné. Aujourd'hui, on parle de la petite révolution qui nous est apparue récemment en santé sexuelle. Puis prep, pas prep, on embarque dans le vif du sujet. Oh que oui. Alors, on va parler de notions, évidemment, de gestion du risque en santé sexuelle, de comment la prep vient bouleverser tout ça. Il y a évidemment des stigmas autour du Truvada dont on va parler évidemment et parce que malheureusement on n'est pas sorti du bois et il y a encore des perceptions aussi intergénérationnelles hein, de cette nouvelle penune là. J'aime tellement ça le mot penune. Je sais. Penule, je l'ai mis partout dans le document de préparation. En gros soulignant en jaune. Des penunes. Fait qu'on s'en va wash down notre Truvada avec un petit café filtre. Ah ouais. Et on revient dans 20 secondes. Alors, on fait un petit peu d'acidité après tout le café et ce tétonifler. C'est quoi déjà le nom, là? Tenofévir. Qu'on a ingéré. Mais on est de retour avec Alejandro pour jaser de l'arrivée de la PrEP dans nos communautés vers début des années 2010. Oui. À peu près. C'est ça, en 2016, homologué au Canada. Ouh! C'est ça. Puis avant ça, on en parlait déjà, c'était juste comme Oui, c'est ça. Ben, il y avait l'étude hyper-gay qui avait commencé à Montréal à peu près dans les années 2013, je pense. Ouais. Fait que le chiffre, c'est quand même fait pas si rapidement que ça non plus, parce que ça fait depuis 2016 que c'est homologué, mais tu sais, je veux dire, c'est... Oui, voilà. Mais là, pour les gens qui chauffent encore au charbon, qu'est-ce que la PrEP? Ah ouais! Dans le fond... tu chauffes encore au charbon, taille! Dans le fond, la PrEP, c'est un acronyme pour prophylaxie pré-exposition. Uh-huh. Comme le nom l'indique, c'est un médicament préventif qui est adressé aux personnes séronégatives. Oui. Et qui, dans le fond, serait pour les protéger si jamais ils sont exposés au virus. Oui. D'immunodéficience humaine. Puis, dans le fond, là, en gros, c'est que c'est un condom chimique, comme Preciado dit, ou uh-huh. genre des techniques de prévention high-tech. Comme uh-huh. dirait Preciado. Oui. Voilà. I love it! C'est un auteur pour les gens qui chauffent au charbon. Chauffent au charbon, non, pas vrai. Genre, j'ai appris récemment. Moi, étant sorti de l'académie, c'est vraiment juste par, par osmose que je suis comme, oh oui, Preciado. Oui, oui, mais non, mais... Rien lu. Absolument rien lu. C'est un réflexe d'universitaire. T'entends le nom d'un auteur que t'as pas lu, puis tu fais, ah oui! Oui, c'est ça! Fait que là, je me demandais, vous autres, là, dans vos premiers balbutiements de sexualité, là, la PrEP, est-ce que ça existait? Est-ce que c'était une question? Est-ce que c'était une possibilité? Puis c'était quoi vos outils de prévention sexuelle dans le temps? Mettons que ça existait pas. Moi, j'ai perdu ma virginité la semaine passée, donc ça existait déjà. Shut the fuck up, bitch. On va commencer avec toi, avec Alejandro. Oui. Ça existait-tu, toi, quand t'as commencé à être une moune, là? Non, pas du tout. C'est arrivé quand même assez tard, là. Pas si tard, là, mais... moi, par contre, c'est que j'utilisais comme stratégie de prévention, c'était vraiment les condoms. Moi aussi, je suis genre de cette génération-là qui a été comme brainwash à genre. Oui, moi, je pensais que c'était impensable là, d'avoir du sexe avec un inconnu, pas de condom. J'étais comme, wow. Ah oui, c'est comme. Puis là, tu sais, j'ai prépense à ça, puis c'est vraiment une peur irrationnelle, c'est-à-dire comme qui est en train de fuel par comme le stigma, là. Mais, parce que même si j'utilisais le condom, j'avais peur quand j'allais me faire tester. De l'attraper. C'est pour ça que je dis irrationnel là, dans ce sens-là. Oh, oui. Mais il y a aussi un truc que je trouve qui est malhonnête avec la manière dont on fait l'éducation avec le condom. C'est-à-dire que je pense que pour la prévention VIH, c'est vrai que le condom est, entre guillemets, une solution parfaite. Juste parce que c'est vrai que si tu fais une utilisation parfaite du condom, ça fonctionne parfaitement. C'est juste qu'il n'y a pas de breakdown de qu'est-ce que c'est une utilisation parfaite. Parce que dans le fond, ça prévient les fluides comme le précum d'être en contact. Puis à l'éjaculation, ça reste à l'intérieur. Donc les fluides ne sont pas en contact avec les parois. Puis tu ne peux pas avoir de transmission quand il y a du sexe pénétratif anal ou vaginal du VIH avec le condom. Ceci étant dit, des condoms, ça peut péter. Les humains sont imparfaits, fait que des fois, notre utilisation du condom est imparfaite. Puis des fois, on le dit. Fait que tu sais, je trouve que si tu ne laisses pas cette place-là puis que tu n'ouvres pas la conversation à des fois, il y a des erreurs et des choses qui se produisent, tu fais juste gérer la santé sexuelle des gens par la peur. Oui, absolument. Puis ça fait que même les gens qui ont une utilisation, encore là, je mets des guillemets parfaites du condom parce que je trouve qu'on n'entre pas beaucoup dans le fait que une utilisation parfaite, c'est aussi pour du sexe oral. Puis c'est rare que les gens sont down de sucer du rubber. Oui. Non, mais pour vrai, let's be real on about dire, that. Là. Parce que j'ai l'impression que, puis là, j'ai l'impression que je ramène tout le temps comme mon passé d'éducateur à la sexualité, mais je pense que c'est quand même pertinent. Oui. Je trouve que les gens aiment mieux force feed une espèce d'idéal de comme, il faut que tu le fasses même quand tu fais du sexe oral, plutôt que d'être comme, mais pour vrai, si tu le fais pas, fais juste te faire tester de temps en temps. Oui. Parce que les parois de la gorge, étant donné qu'il y a de la bouffe qui passe par là, il y a plein d'affaires qui passent par là, sont quand même plus résistantes que les parois anales, puis t'as moins de chances aussi de contracter des trucs par là. C'est juste que c'est pas des choses qui sont dites parce qu'on préfère comme pousser le truc aux gens de comme non, il faut que vous mettiez le condom pour sucer. Alors que personne fait ça, puis c'est correct. Puis il faut que ça reste une option si les gens veulent, mais tu sais, comme la majorité des gens le font pas. Là. Ouais, boy. Pour répondre à ta question, mon moyen de prévention, c'était le même qu'aujourd'hui, c'est mon crise d'herbette. Ah! Ça n'a pas changé. Oh my god, c'est trop bon. Ça marche, je suis jamais tombé enceinte, je m'excuse, là, mais j'ai des preuves. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était tellement impensable d'avoir comme du sexe sans condom avec genre des hook-ups ou même des gens que je détais, que je venais de rencontrer. Ils nous ont inculqué la peur, là. Mais moi, solide. Mais moi, je me demandais même quand est-ce que ça allait arriver, en fait. Parce qu'à un moment donné, genre quelques années in d'être comme, tu sais, pas full on a hoe, mais tu sais, comme quand même sexuellement actif. J'étais juste comme, OK, mais là, ça s'est jamais passé, ça va se passer quand, tu sais? Ouais. Puis là, il y a comme cette curiosité-là qui reste, qui fait que quand, genre, t'as des partenaires qui sont comme, ah ouais, mais tu sais, on pourrait s'en foutre. Puis là, t'as comme envie, mais là, tu veux pas parce que t'as trop peur. Mais là, finalement, comme, les choses se passent parce que les deux ont comme une espèce d'excitation de comme, ouh, imagine-tu, puis après ça, non, il faut être des bonnes personnes, puis on va mettre des condoms, puis après ça, tu te sens mal, tu vas te faire tester, t'arrives en catastrophe. Puis là, comment les gens te reçoivent dans le système de santé? Ils font comme, waouh, mais là, t'as commis une erreur. Puis là, ils vont pas te dire que c'est une exposition, un risque, que techniquement, il n'y a pas de risque zéro, mais que tu viens pas d'avoir eu des contacts avec plein de personnes qui ont eu des contacts avec plein de personnes. T'sais. Ils vont juste comme amplifier le fait que comme il n'y a pas de risque zéro, puis tu ne pourras pas savoir tant que tu n'auras pas été testé. Tu es tellement dans des dynamiques malsaines de comme... t'as juste pas de contrôle, en fait. Non. T'es juste tout le temps en train d'essayer de calculer un risque qui, au final, est pas si gros que ça. Puis que, genre, si t'es pas à l'aise avec, c'est mieux de prendre les moyens. Ouais, t'sais. Ouais, ouais. Mm. Est-ce que c'est arrivé comme facilement? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un médicament ou que quelque chose qui entoure la prévention et ou les soins reliés au VIH, c'est tout le temps compliqué de faire adopter comme c'est plus long. Ben, je sais plus maintenant, là, mais pendant un long temps, ça a été super long de faire adopter les médications. Les gens s'en foutaient parce qu'évidemment, c'était des personnes marginalisées qui étaient les premières victimes du virus du VIH. Est-ce que ça a été un peu la même chose pour le Truvada? Genre, est-ce que ça a été super long de faire approuver ces choses-là? Ou est-ce que c'est quand même arrivé relativement rapidement après que les premiers tests cliniques aient été faits? Est-ce que t'es... Ben, Hypergay a duré... Je sais que Hypergay, qui était le plus long, puis en fait, ça s'est passé... Ouais, l'étude pas la plus... La plus concluante. Et, des 2013 à 2015 encore, je pense. Puis... en fait, il y a eu quand même beaucoup de réticences à l'intérieur des... c'est-à-dire comme des... sociétés qui militaient dans le milieu. Ouais. Entre autres, parce qu'au début, on donnait un placebo, puis une PrEP, c'est qui a comme très tardé, c'est-à-dire certains essais cliniques ont été abandonnés. Mais généralement, je ne connais pas vraiment la durée des études cliniques pour te dire si celle-là a été particulièrement longue. Ouais, ouais. C'est ça, je ne pourrais pas te le dire. Un petit 2 ans. Là, ouais. Est-ce qu'au niveau des gouvernements, c'est quelque chose qui a été accepté facilement? Est-ce que Santé Canada a dit « oui, c'est beau » ou est-ce que ça a été un médicament controversé? Puis... Non, je pense qu'après Grant et Hall, qui est comme l'étude les plus citées, qui a comme éprouvé l'efficacité pour les personnes séronégatives, généralement, ça s'est passé smooth. Mais pour vrai, je sais pas en termes de... En large, là, ouais. En termes d'approbation des lieux, non. Fait que vous autres, c'est quand les premières fois que vous avez entendu parler de la PrEP, genre vraiment, c'est accessible, disponible, it could be me, genre? Moi, j'ai vu... c'était peut-être sur Grindr ou vraiment, parce que j'en entendais parler, j'étais pas trop sûr c'était quoi. Mm-hmm. Tu sais, je comprenais le principe général, mais maintenant je voyais ça sur Grindr, puis là c'est sûr que maintenant je suis allé googler, j'étais comme, what the fuck is the PrEP, là, c'est quoi ça? Là, je me prépare à quoi, là? Tu sais, ça fait quand même peut-être 4 ans, on est quoi, en 2020? Non, peut-être plus comme 2-3 ans que je sais vraiment exactement c'est quoi, genre, puis c'est quoi la portée de ce médicament-là, mais moi non, je l'ai pas essayé encore. Non. Mais en fait, c'est parce que je voyais les gens me demander si j'étais sa PrEP sur Grindr, puis j'étais comme, ben non. Puis là, ça me discardait, genre. Mais tu l'essayeras, c'est vraiment bon, genre, sur un sundae au caramel, tu crushes un peu à penule, puis ta saupoudre dessus. Ah, là, mais c'est Roquel, là, je pourrais faire un petit mix. Ça va être, hey, on aura du fun. Moi, de ma part, j'ai entendu la PrEP. En fait, je faisais de l'activisme pour... mais pas de l'activisme, mais je travaillais dans la prévention du VIH depuis quand même assez jeune. Ouais. Puis j'en ai entendu parler là-dedans. Mais, actually, ma première rencontre, c'était en 2017 dans une étude Protège, où ce qui me l'a donné gratuitement, là, parce que j'aurais pas pu... tellement de trucs de son Protège. Moi, je suis comme toutes mes chums qui se connaissaient, là. C'est ça. Et puis, en fait, mais j'ai pas commencé à actually l'utiliser jusqu'en 2019, donc 2 ans, ben un an et demi après. En tout cas, en partie parce que j'avais peur que ça fonctionne pas, même si, c'est-à-dire si généralement, tout pointait vers le contraire. Mais oui, puis en partie parce que je voyais pas les besoins, là. Ouais. Moi, c'était plus un truc de comme, j'ai tellement eu de comme panique où j'ai pris la PPE, qui, à l'opposé de la PrEP, qui est pas préventive, mais qui est post-exposition. Ouais. Donc, si jamais t'as un scare, puis que tu te dis que t'aurais pu être exposé à un risque, mais là, tu fais un traitement qui est plus dur sur le corps, parce que tu prends comme le même médicament, mais deux fois, genre deux pilules aux 12 heures. Ouais. Puis ça coûte cher aussi. Puis je pense que je l'avais fait 2 fois. Puis à un moment donné, j'étais comme, pour vrai, ça serait peut-être mieux de juste le prendre de manière préventive. Parce je trouvais que le coût était dissuasif. Parce que si t'es sur RAMQ, c'est quand même genre 90$ par mois. Genre, je trouve ça. Pour moi, c'est l'équivalent d'augmenter mon loyer. Là. J'augmente mon loyer de 100$ chaque mois. Là. Mais en même temps, je trouve que avoir la paix, ça n'a pas de prix. Ben oui, vraiment. Là. Genre, surtout dans mon cas où genre je me retrouvais dans des situations où il y avait des risques qui se prenaient, que j'étais comme, ah, Christ, tu sais, puis j'étais comme, est-ce que c'est si facile de changer ses comportements ou est-ce que t'es mieux d'adapter, genre, tes méthodes de prévention au comportement que tu vas avoir de toute manière. Ah, c'est pas un ou l'autre, ça dépend vraiment de la personne. C'est ça, oui. Tu sais. Mais si tu sais que t'es une personne qui va probablement prendre des risques éventuellement, puis que c'est pas quelque chose que tu souhaites changer, puis que tu penses qu'il y a une autre manière de le faire, je pense que la PrEP, c'est vraiment le bienvenu pour ça. Ouais. C'est vraiment une panacée. Là. Puis, juste pour dire, là, beaucoup de gens là, avec la PPE, ils pensent que c'est comme une pilule dans le main, donc ils pensent qu'ils la prennent juste une fois, puis c'est fini. No, bitch! C'est pendant 28 jours, c'est ça? Ouais. Non, c'est long, puis c'est tough sur le corps. Mais puisqu'on est dans le sujet, il y a des effets secondaires à la PrEP aussi. Moi, je trouvais, moi, justement, parce que j'avais eu des PPE super difficiles, je me disais, ah, tu sais, peut-être que mon corps va pas bien prendre le Truvada. Ça dépend vraiment des personnes. Moi, je dis ça, puis je dis ça avec les. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Prep Dial, où c'est tous des estis de français vraiment verbeux, genre, qui écrivent des affaires pas d'allure. C'est vraiment drôle. Mais tu sais, comme. Puis il y a une couple de personnes qui répertorient des symptômes, mais généralement, pour les gens, ça se passe bien. Surtout parce que, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la PPE, oui, il y a des gens qui le vivent mal, mais c'est surtout le fait qu'ils sont dans un état d'anxiété pas d'allure, en fait. Parce que tu prends la PPE parce que c'est pas cette exposition, tu penses que tu t'es exposé à un risque considérable. Fait que tu sais, comme souvent, ça, surtout avec l'espèce de trauma intergénérationnel de genre la crise du VIH et tout, tu sais, ça va vraiment jouer dans l'insécurité des gens. Oui, t'sais. Parce que même à l'intérieur de la communauté, souvent la vision qu'on a du VIH est tellement colonisée par les stigmas qu'on nous a véhiculés constamment. Là, c'est ça, tu sais. Puis il y a la part du stigma, puis aussi le fait que c'est le fun aussi de pas être lié au système de santé toute ta vie ici. Genre. Oui, mais on est lié au système de santé, ça s'appelle le bio-pouvoir, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Mais comme oui aussi, anyways. Vous irez lire ma... Thèse. La copie, la copie finale de mon mémoire. Ah ouais, ben, bio-pouvoir, tell me about it. Ouh, moi, j'en parle tantôt du bio-pouvoir, préparez-vous. Mais pour répondre à ta question, Jess, oui, en fait, il y a des effets secondaires. Là, on en parle tantôt, je parlais de nausées, là, mais pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui arrive. Puis aussi, c'est très fort sur les reins, en fait. C'est pour ça que normalement, on doit aller chaque 3 mois aller se faire tester. C'est-à-dire, non seulement parce que si jamais tu es exposé au VIH puis tu l'attrapes, dans le fond, ça peut créer un genre de résistance. Ah oui, OK. Parce que dans le fond, la trithérapie ou qui est ce qu'on donne dans la PPE, c'est les Truvada plus un autre chemical compound. OK. Une autre molécule. C'est ça, une autre molécule. Ouais. Fait qu'il faut checker les reins, surtout les niveaux de créatine. Fait que là, pour les gym queens, c'est des choix déchirants de est-ce que je prends la PrEP ou je prends des suppléments de créatine. On les salue, les pauvres. Elles en vivent des affaires. Ah oui. C'était tout le temps qu'on avait pour les gym queens. OK. Fait que les seules parmi nous qui ont adopté la PrEP, qu'est-ce que ça a changé pour nous autres? Nous autres parce que vous connaissez la réponse pour moi. Ben, ça n'a rien changé. T'as continué le hoe around. Ça n'a rien changé. Ben, c'est ça. Was a hoe before, still fun a hoe. Joke. Mais tu dis pour les gens qui l'ont adopté, qu'est-ce que ça a changé? Mais c'est aussi vrai, comme je le disais tantôt, c'est aussi vrai pour les gens qui ne l'ont pas adopté. Qu'est-ce que ça a changé aussi? Parce que souvent, moi, je suis vraiment un fan du burback en général. Je suis moins un fan d'avoir des relations sexuelles avec des êtres humains. Mais... ou avec quelconque créature terrestre. Mais, fait que j'ai pas une vie sexuelle suffisamment active pour que ça vaille la peine de prendre la PrEP dans mon cas, mais je suis still un adepte du barback. Donc, souvent. C'est le fun quand les autres la prennent. Ben là, c'est ça. C'est le fun quand les autres la prennent. Ah ouais. Si, moi, ne la prenant pas, ben des fois, je me fais comme disqualifier parce que je passe à la PrEP. Ce qui est correct, c'est un choix que je respecte évidemment. C'est... Toi, t'es l'équivalent de la fille qui vient au potluck avec un sac de chips, mais genre, apply it to genre la santé sexuelle. Ouais. Fait que tu laisses les autres payer après, ben si, puis tu vis au crochet des autres, absolument. Ma calice. Absolument. Absolument. Non, mais c'est mon privilège de gay icon. Honestly, love that. Les autres prendront après pour moi. Ben oui. C'est comme j'ai pas besoin de me faire vacciner. Si tout le monde se fait vacciner, c'est la même chose. Parfait, Lucie Laurier. C'est pareil. Yes. Pour toi, Alice, ça a changé quoi? Ben, comme je le disais tantôt, avoir moins peur quand je me fais tester, ça, c'est la première chose. Vraiment. Puis c'est aussi, en fait, avoir des stratégies mixtes, tu sais, des fois les condoms, quand c'est le cas, des fois quand on veut pas, tu sais, on peut négocier, c'est-à-dire respecter le consentement, mais aussi tu permets d'avoir du burback là. Moi pour vrai je le faisais fully avec l'intention de continuer à mettre des condoms puis d'être juste dans un truc de comme peut-être que je peux arrêter d'en porter plus rapidement avec genre des nouveaux partenaires stables blablabla. Puis là après ça j'ai compris que ça pouvait être une option si je voulais, tu sais. Puis que de toute manière j'allais me faire tester aux 3 mois parce que ça vient avec la PrEP. Si tu veux te la faire represcrire, il faut que tu sois testé aux 3 mois, puis ça fait que tu te fais tester vraiment plus souvent. Ça fait que les gens avec qui tu couches, s'ils sont sur la PrEP, ben ils se font tester vraiment plus souvent aussi. Puis moi aussi, quand j'ai compris le life hack de si de toute manière, t'es pour sucer à graines avant, pas de condom. S'il y a une chlamydia ou une gonorrhée, tu l'as pogné anyway. Oui! Oh oui! Comme je comprends là aussi que les muqueuses de la gorge sont comme moins poreuses, mais en même temps, je veux dire, Tu t'exposes à un risque pareil. Puis, tu sais, le condom couvrant juste qui couvre, tu sais, je veux dire, mettons, un chancre de syphilis. Il n'y a vraiment pas beaucoup de cas de syphilis, genre, à Montréal en général, mais je veux dire, ça existe pareil. Oui. Tu sais, un chancre de syphilis, s'il n'est pas couvert par le condom, ben, tu peux l'avoir pareil. Tu sais, tout ce qui est, genre, condylome, de toute manière, c'est tout. Ouais. La région autour qui peut être contagieuse. Tu sais, comme, à un moment donné, rendu là, le condom, il ne faut pas non plus voir le condom comme un truc parfait que, genre, si et là, on est protégé de tout. Puis, je trouve que les gens s'appuient trop là-dessus pour se dire, ben, j'ai pas besoin de me faire tester. Je mets des condoms tout le temps. Tu sais, anyway, vous me direz si vous êtes d'accord, mais comme dans la majorité des ITSS, si tu te fais tester régulièrement puis que tu es sexuellement éduqué sur qu'est-ce que c'est une ITSS, comment ça s'attrape, normalement, ça devrait pas dégénérer, ça devrait quand même bien se passer. Oh oui, ben, gonorrhée, chlamydia. Le problème number one des ITSS, c'est le stigma. Oui. Le fait que, genre, oh my god, c'est une maladie transmise sexuellement. T'es juste comme, girl, on a tout le temps la grippe, là, c'est correct. Là. Tu peux transmettre une grippe à quelqu'un, puis c'est pas grave. Bon, là, en ce moment, pendant la COVID, je comprends que ça vient avec plus d'anxiété. Oui, ben là, oui. Affaire, là, je comprends que le transport, on n'espère pas cette grippe-là, là, mais tiens. Still. Donc, sur ce, moi, je vais aller égrener ma prep sur un Sunday. Je vais aller voir si t'as raison. Ben, si c'est tel que recommandé. Là. Si c'est aussi délicieux que prévu. Mais je vais probablement faire un petit affogato avec ça en crissant un espresso par-dessus. Là, ça va des cœurs. Est-ce que t'es bougie? Hein? Tu me fais voyager. C'est parce qu'on se met tellement riche avec le podcast. Oui, non, je sais, j'ai plus quoi faire de mon cash. On vous revient dans 20 secondes. Donc Jess a adoré son Sunday, même que après ça il est retourné prendre une crème molle puis vraiment juste le genre trempé dans le Trouvada. Dans le Trouvada. À la place des petits sparkles arc-en-ciel. Ouais. Puis après ça on l'a saucé dans le chocolat, puis là c'était vraiment bon. Ouais. Une moitié. Moi y a rien de mieux qu'une Versatile trempée dans le brun, j'adore ça. C'est que tu m'écœures. Là, on passe à autre chose. Là la prep, la prep dit de même, c'est beau, c'est bon, c'est merveilleux, jusqu'à ce que les respectable gays, les gays de bonne morale, les gays mieux que nous crash le party pour nous chier dessus, pour se distinguer de nous aux yeux des hétéros. Fait que, ouais, parce que la romance est morte. La romance est morte. On est en train de vous dire qu'il y a du stigma autour de la prise de la PrEP. Fait que le stigma numéro un, c'est clairement que si tu prends la PrEP, t'es maudit irresponsable qui veut barebacker avec n'importe qui puis qu'il faut pas coucher avec toi parce que t'es pas propre. Fait que là, so many layers déjà juste dans cette phrase-là. Par où on commence là, pour unbreak tout ce stigma de merde-là? Là? Mais... Oui, en effet, là, depuis son arrivée, on voit des gens quand même importants dans le milieu de la prévention la nommer comme un party drug, dans le fond. Puis là, pas dans le sens des PNP, là, mais c'est-à-dire comme une pilule qui permet la débauche ou des barebackers comme s'il n'y avait pas de lendemain et compagnie. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que dans la construction du bareback, en fait, qu'on a, c'est-à-dire il y a le sujet qui bareback de manière responsable puis de manière prévue et voulue, et puis un genre des actes de self-destruction là, dans la littérature là. Mais, oui, parce que les gens qui font ça, ils se détestent à l'intérieur. C'est ça. Oui, c'est ce qu'on entend souvent. Tu te respectes pas. Il y a deux orifices par lesquels on peut remplir le vide, hein. Puis seulement deux, t'es limité. Dans mon cas personnel à moi. Ah, ok. Mais dans le fond, dans cette construction-là, est souvent, et c'est prouvé qu'elle est souvent très erronée parce que ce qu'on prend dans le fond, c'est que bon, si tu vas à l'actuel ou si tu vas à Gorham, whatever, tu remplis les statistiques, les formulaires. Et puis on va souvent te demander bon, combien de partenaires occasionnels tu as eu dans les derniers X derniers temps, puis combien de fois tu as utilisé le condom. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on te demande. Puis si tu dis que tu n'as pas utilisé dans le fond le condom avec des partenaires occasionnels, on va te compter dans les statistiques comme un bear breaker. Mais cette statistique-là, souvent, c'est qu'elle ne démontre pas qu'il y a d'autres des risques. Là, étant donné, on peut parler du serosorting, qui, dans le fond, qui consiste à accoucher juste avec des gens qui ont le même statut sérologique que toi. Mais bon, également, on peut parler aussi du genre des shared responsibility, qui est comme on a plusieurs partenaires occasionnels avec lesquels on ne met pas de condom, mais à l'extérieur de ça aussi, ben on met un condom. Ouais. Et autres stratégies qui sont complètement masquées par la... Ouais, juste parce que... Dès qu'il y a des prises de risque avec pas de condom, c'est genre « Ah, wow, listen ». C'est ça. T'as basculé de l'autre côté de la force. Voilà. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que la construction des barebackers irresponsables est comme à mute, dans le fond, envers la prep. Puis là, tu sais, je sais pas si vous avez entendu parler, là, mais du hashtag « Trouvada Whore » qui est... Oui, c'est ça. C'est un mot qui a été coined vraiment beaucoup dans les débuts de la prep. Là, les gens utilisaient ça en voulant dire que... C'est ça. Puis, ça a un gros danger qui est... dans le corps médical parce qu'il y a cette idée que les gens qui veulent la PrEP ou qui en auraient peut-être besoin dans leur vie, c'est des hosties irresponsables. Voilà. Les gens vont avoir tendance à ne pas vouloir la prescrire. Voilà. En se disant, c'est son hostie problème, if she's a whore, on va pas y prescrire des médicaments. C'est ce qui pourrait arriver. C'est ce qui arrive. Il y a des médecins qui vont se dire, ben non, qui vont juste te voir comme une personne à risque et qui ne devrait pas être traitée justement à cause de ce genre de stigma-là. Mais surtout, mais c'est tellement différent les pourvoyeurs de services. C'est-à-dire que, tu sais, mettons dans une clinique gay. Pourvoyeurs de services. Ouais, j'aime ça. C'est cute, hein? Oui. Mais tu sais, mettons dans des cliniques gays, tu sais, ils vont beaucoup plus savoir ce que c'est puis être capable de saisir si t'en as besoin ou pas puis te la donner. Mais tu sais, par exemple, ton médecin de famille, moi, il a fallu que j'y explique, là. Oui. Ils savent pas, là, tu sais, ils sont absolument pas informés, puis la plupart des médecins savent pas, c'est quasiment une spécialité, en fait, de savoir comme parler de PrEP. Ouais. Puis en plus, mais même dans les cliniques spécialisées santé sexuelle et gay, là, en fait, on va aussi demander qu'il y ait un certain threshold qui soit comme reconnu, c'est-à-dire si tu reportes juste comme deux partenaires occasionnels dans les derniers six mois, on va souvent te déconseiller très fortement de prendre la PrEP. On va dire que ça vaut pas la peine. Mais ça vaut pas la peine, c'est ça. Moi, j'ai vu du monde aussi donc, que ça renforce également. Pour se faire renouveler leur PrEP, ils étaient comme OK, mais tu sais, qu'est-ce que tu pourrais faire pour mettre plus de condoms quand même? Puis que c'était dans un truc de négociation avec eux autres du port du condom, puis t'es juste comme pour vrai. Je prends après plus correct là, je fais mon bout là. À l'inverse, je disais par stéréotype, il y a des gens qui vont être réticents à proposer la PrEP, il y a même des gens qui y a probablement plein de monde dans le corps médical qui savent même pas c'est quoi la PrEP. À l'inverse, il y a des gens qui vont être pronts à la proposer en faisant de toi un espèce de sujet médical inquiétant. Parce qu'il peut y avoir ce sous-entendu-là, surtout chez un médecin, parce qu'on s'entend que le médecin, c'est une autorité. Là. C'est quasiment... C'est pire que... En fait, là, il y a comme un terme médical, là, c'est les active offer... Active offer... C'est ça. C'est dans le fond que actuellement, comment au Canada ça fonctionne, c'est qu'aux gens qui ont eu une maladie transmise sexuellement, on va proposer fortement la PrEP. Parce que, bon, les nouvelles infections, souvent... dans le fond, il y a comme si t'as une maladie transmise sexuellement, t'es plus à risque d'avoir une nouvelle infection si jamais t'es exposé et compagnie. Donc, il va y avoir un jour des pressure pour... Pour prescrire la PrEP. Puis tout ça est lié en plus avec le fait, parce que généralement, quand tu te fais tester pour une ITSS ou quoi que ce soit, ces maladies-là ou ces infections-là doivent être reportées à des instituts statistiques quelconques, dépendamment si c'est au Québec ou ailleurs. Et tout ça est relié à une espèce de stratégie d'État, entre guillemets, qui, c'est peut-être le petit côté sombre de la PrEP en contexte médical, c'est ça devient un outil de contrôle social pour les homosexuels dans le milieu médical. Évidemment, de notre côté, ça apporte énormément d'avantages. Et en aucun cas, je suis en train de dire « N'encourageons pas les pharmaceutiques! » C'est ce type d'argument-là, on se fait un thé blanc, ça va faire toute la différence. Non. Non, en effet, puis tu sais, même avec les « active offer », faut aussi penser que oui, c'est-à-dire c'est perçu comme étant comme les gens qui poussent la PrEP ou mettons aux homosexuels, mais c'est aussi une bonne stratégie de une bonne stratégie de prévention. Absolument. C'est-à-dire ces gens-là sont des candidats parfaits pour la PrEP. Donc il y a comme une genre d'ambiguïté là avec laquelle il faut dealer. Puis pour revenir au stigma par les pairs aussi, parce que je pense qu'il y a aussi un truc de comme, mais là, dépendamment de c'est quoi ton groupe social, puis à quel point c'est ouvert de parler de sexualité ou pas, tu sais. Il y a des gens qui vont être gênés de dire qu'ils prennent la PrEP ou qu'ils vont pas vouloir la prendre de peur d'être jugés par leur milieu, tu sais. Puis ça me fâche juste parce que ça, je peux même pas blâmer les gens parce que c'est clairement une conséquence du manque d'éducation sexuelle qu'on a sur juste les ITSS puis comment ça fonctionne. Je trouve que les gens qui sont comme, mais tu sais, si tu prends du Truvada, ben clairement, tu veux juste bareback avec n'importe qui puis tu vas pogner genre des ITSS puis là, tu vas être une moindre personne de moindre valeur parce que je suis juste comme, first, grow the fuck up, tu sais. Puis deuxièmement, ça montre un désintérêt à comprendre comment ça fonctionne la santé sexuelle. Parce que, tu sais, c'est pas parce que tu mets des condoms que t'auras jamais rien. Ça change rien aussi à toi comme personne. C'est juste comme quelque chose que t'as contracté parce que, je veux dire, it's in the air. Puis aussi, je trouve qu'il y a un truc de... moi, toutes les gens qui sont comme... t'es-tu clean? T'es-tu disease-free? Genre, moi, je veux pas passer mon temps à la clinique avec les enfants à la main. Pour moi, ça me prouve qu'ils prennent pas leur truc en charge, en fait. Ils veulent juste éviter de le prendre en charge. Puis je suis comme, ben, pour vrai, toi, t'es tu sais, comme même s'il y a une performativité du « moi, je suis clean », ce qui est genre une formulation d'aigle qu'on m'a sorti récemment, puis j'étais comme « oh, pour vrai, genre 2020, t'es-tu clean? OK. Ouais. » Mais cette expression-là, c'était pouf. Mais je trouve que c'est moins courant, mais genre, je l'ai eu récemment, puis j'étais comme « wow, still there ». Anyways, mais c'est ça, je trouve que même s'il y a une performativité du genre « moi, genre, je fais attention », je suis comme « mais comment? » Clairement, t'es là puis t'es prêt à hook up avec moi, même si on se connaît pas. Fait que, tu sais, comme ça me dit pas avec combien de personnes t'as hook up avant, puis c'était quoi tes contacts, puis même si t'as mis un condom pour du sexe pénétratif, je veux dire, I don't fucking know, bitch. Ouais. Là, genre, could be anything, là. Puis tantôt, Alejandro, t'en as parlé un petit peu, mais souvent, un des stigmas qui vient avec la PrEP, c'est t'as besoin de la PrEP, t'es donc une personne à risque. Si on te donne la PrEP, tu vas prendre encore plus de risques. Ouais. Oui, en fait, à savoir la question, à savoir si les comportements à risque augmentent ou bien qu'est-ce qui vient avant. Les études semblent dire que pas vraiment. Non, ben au contraire. C'est surprenant parce que dans mon cas, oui. Ben oui. Moi, si je le ramène à mon nom, oui, moi j'étais comme, I guess everybody stops using condoms. Prove but a whore. Mais en girl, yes. Mais proudly. Oui, proudly. Mais mettons, si on prend l'étude la plus grande qui a été faite à Montréal, par l'actuel d'ailleurs, puis qui est une des plus grandes en Amérique du Nord. OK, ouais. Nice. Ce que ça dit, c'est que... Puis là, on prend les mêmes gens, dans le fond, on les suit pendant comme plusieurs années. Ouais. Puis, dans le fond, la prise de risque ou l'augmentation de la prise de risque est soit si on augmentait leur partenaire occasionnel ou ils ont mis moins de condoms. Ça, c'est okay. Les deux facteurs qui influencent la prise de risque. Puis 25% des personnes, pour 25% des personnes qui utilisent la PrEP, les risques augmentaient. Mais pour 43, il n'y a pas eu aucun changement. Aucune différence, ouais. Puis pour 32 même, la prise des risques, elle a diminué. Donc oui, c'est-à-dire, mais... Mais les gens oublient que genre le barebacking, c'est pas venu avec la PrEP. Là. Les gens le faisaient avant, c'est juste qu'ils s'organisaient différemment. Ils le faisaient soit avec des gars séropos, soit avec genre des gens avec qui... Tu sais, comme on le fait en ce moment avec la COVID, là, contrôler là, qui voit qui, oui, c'est bah, quoi oui, les ben risques oui, ben et tout. Oui, ils le faisaient juste avec leur sexualité aussi avant, in a more open way, tu sais. Puis ce qui est important à dire, c'est que dans toute cette idée-là des comme qu'est-ce qu'on prend plus à risque, tu sais, il faut être cohérent dans la mesure si on voit la PrEP comme une stratégie de prévention, oui, mais la notion même de risque, elle doit changer. Oui, parce que oui là, c'est ça. Parce que là, ce qui devient risqué, c'est de ne pas prendre ta PrEP quand tu t'es exposé, tu sais, mais il y a un shift. C'est ça, voilà. Je trouvais ça intéressant aussi que la notion de plaisir et d'appréciation de sa sexualité soit comme quasiment tout le temps un truc oublié dans les études. Oui. Genre, c'est même pas considéré comme un facteur de bien-être et de santé. Puis une que tu nous avais envoyée où, genre, justement, il disait, ben, quand il y a des comportements qui changent, c'est parce qu'il y a un gain en plaisir ou en intimité, tu sais. Oui. Comme people get something out of it, c'est pas juste une pente glissante dans laquelle ils sont tombés, puis là, maintenant, ils sont malheureux. T'es comme, ben non, les gens ont fait des choix conscients, qui leur amènent plus de choses. Puis ça, c'est absolument déconsidéré. Puis je trouve que ça montre aussi l'espèce de comme gros stigma avec genre la crise du VIH, les homosexuels irresponsables qui savent pas se gérer. Ah, mais ce narratif-là. Je suis plus capable, Calis. C'est épouvantable. Je sais pas combien de sujets on a abordé où il a fallu réexpliquer ce narratif-là des homosexuels irresponsables. Genre, c'est dans tout. Ouais. C'est dans fucking tout. Ouais, c'est parce que les straights se cachent pour genre mourir. C'est parce que les straights se cachent pour genre vivre leur slutiness genre de manière réprimée ou c'est pas parce qu'ils en parlent pas que nous autres, parce qu'on en parle et qu'on s'organise en fonction, nous autres on est genre des êtres répréhensibles qui ont pas de morale, qui pensent juste à eux. Au contraire, on en parle puis on s'organise genre. Ouais. Puis tu sais, en plus, moi, dans les études qu'on avait pour préparer l'épisode, il y a un truc qui m'a intéressé qui était l'espèce d'identité préventionniste. Là, je traduis vraiment librement ce qui est écrit en anglais. C'est que, justement, si tu es une personne qui est sur la PrEP, qui est généralement, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est un médicament quotidien qu'il faut prendre à chaque jour, je crois bien. Il y a deux prises. Là. Soit tu la prends de manière on-demand, c'est-à-dire comme 2 heures avant l'acte sexuel, et puis 24 heures après la première prise et 48 heures après la première prise, puis là tu fermes la parenthèse. Voilà, la parenthèse. Tu finis ton premier cycle ou bien tu la prends tous les jours. OK. C'est ça. Puis c'est 2 heures avant, c'est approximatif, c'est au moins 2 heures avant. Parce au moins, fois, c'est difficile ça, au moins. Oui, c'est ça que je veux dire. À savoir. Ouais. OK. Fait que oui, c'est ça, c'est un médicament quotidien. Puis en plus, là, je l'ai appris au micro aujourd'hui. Aux 3 mois, il faut te faire tester pour pouvoir te faire. Voilà. Fait que techniquement, tu te retrouves dans un carcan qui est beaucoup moins risqué. Là. Tu te fais tester régulièrement, tu es suivi, tu as conscience que tu prends ta santé sexuelle en charge. Moi, je vois une belle personne autonome qui est en pleine possession de ses moyens. Je vois pas quelqu'un qui va porter ça. Le sexe sans condom, c'est trop triggerant pour le monde. Ça a bien l'air. Ouais, c'est trop triggerant. Ils sont comme, wow, irresponsables. Ce qui est responsable, c'est de mettre des condoms tout le temps, de jamais se faire tester puis de shamer le monde qui en met pas. Ouais. C'est de se crosser en dessous d'une couverte sans regarder. C'est-à-dire, c'est comme le condom est vu comme la seule stratégie des préventions moralement acceptables. Puis je suis comme, bitches, ça fait 30 ans. Puis genre, il y a encore des nouvelles infections de VIH en 2020. Là. On s'entend-tu qu'on n'a pas trouvé la solution parfaite? Puis, je me permets de le mentionner rapidement, j'ai pas un million d'affaires à dire là-dessus, mais on pense beaucoup à la PrEP en milieu soit slutty, soit sexuel en général, mais il faut penser aux utilisateurs et utilisatrices de drogues injectables. Ce médicament-là aussi est vraiment merveilleux pour ces personnes-là. Là. Non, mais il y a plein de populations aussi, parce que là, c'est super bien. Pour les couples sérodiscordants aussi. Pour les couples sérodiscordants, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, ça peut enlever un immense facteur de, peut-être pas de stress, mais ça règle un problème. Mais pour les gens qui font du sex work aussi, genre, que tu fasses du sex work avec ou sans condom, c'est quand même genre un bon filet de sécurité, tu sais. Ben oui, ben oui. Puis en plus, en tout cas, c'est sûr que ça dépend des sex workers, c'est à eux et elles de décider si elles et elles le veulent, mais souvent, le sexe sans condom, c'est plus payant. Oui, c'est ça. On va se le dire, il y a une donnée économique là-dedans, en arrière de ça, fait que la PrEP, ça peut être une très bonne solution. Sur ce, moi, je suis dû pour un café. Avec un petit McFleury à la PrEP. Encore? Ah ouais, c'est bon dans la crème glacée. C'est bon dans la crème glacée. Fine. On vous revient dans les secondes! Saviez-vous qu'on pouvait être high sur le Truvada, la gang? No way! Pour vrai, avec tout ce qu'on a bouffé... C'est ça le petit buzz? Avec tout ce qu'on a bouffé de penule, moi j'ai un peu les shakes, là. C'est le fun. Mais toi, tu m'avais dit que t'es sniffé. Aussi. Parce qu'ils se dissoutent dans tes poches. Aussi, sinon, ce que je fais, c'est que je la mets dans un petit peu d'eau, tu sais, de l'eau, voyons. De l'eau micellaire? Calice, non. L'eau distillée? Oui, de l'eau distillée. Okay. Puis après ça, je mets ça dans genre une petite seringue qui n'a pas d'aiguille au bout. Puis là, par voie anale, la bioabsorption est vraiment meilleure. Bon. C'est ça. The more you know. The more you know. Fait que là, on vient de nommer le slut shaming comme une barrière importante d'accès à la PrEP, en plus des barrières financières, en plus de son où les cliniques est accessible à qui. Mais ça peut aussi être compliqué d'avoir accès selon la génération dont on fait partie. Mm. Allez, est-ce que tu penses que les jeunes moon adoptent plus facilement la PrEP comme mode de prévention? Genre, mettons, Gen Z puis jeune millennial. En fait, moi, j'y crois, c'est-à-dire comme les études qualitatives sur le sujet comme démontrent que lorsqu'on grandit, c'est-à-dire qu'on a grandi dans un environnement qui voit la PrEP comme une possibilité de prévention, généralement, on va être plus poussé à l'accepter. Cela étant dit, si on voit qui actually prend la PrEP à Montréal, c'est en fait, je reviens encore à l'étude de l'actuelle, là, parce que c'est comme celui qui nous permet de mieux voir, c'est des gens de l'âge médian et des 35 ans, puis là, comme les profils du PrEP users, c'est genre dans trentaine, genre avec un bac, puis genre qui gagne 75 000 et plus, là. C'est ce profil-là, en tout cas, dans ces cohortes-là d'études. Mais il y a quand même l'argument financier. Oui, absolument. C'est ça. Mais moi, avec mon petit 20 000 par année, je me dis genre, j'ai-tu encore les moyens, tandis que les autres, ils se demandent pas, là. Moi, c'est vraiment de la merde, parce que je l'apprends pas, mais c'est couvert par mes assurances de job. Jess, je pourrais payer à quelqu'un d'autre. Tu veux que je te paye? S'il te plaît. Moi, je vais aller me la prendre, je vais te donner. Ah, là, j'irai pas me faire tester aux 3 mois pour toi, par exemple. Jess. Come on. Je vaux pas un petit Q-tip up and there. Ils font plus ça! Non, pas dans l'urètre assis dans l'anus, là. Okay. Clairement, ils font plus ça, là, les Q-tips dans l'urètre, sacrément. C'était comment se faire tester en 96, Jess? Douloureux. En 96, j'avais 8 ans, là, mais. Mais oui, mais parce qu'il doit y avoir toute une génération aussi, genre, pour qui ont vécu dans la peur slash l'impossibilité de barebacker ou avec vraiment plus de stigma que là, c'est une libération pour eux autres. Là. Oui, absolument. Puis, mais c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a comme il y a généralement une réticence qui est générationnelle. Là, donc, les gens sont plus... selon les études, je pense pas que c'est une distinction entre Gen Z et Millennials. Du moins. Ben, si la médiane est à 35 ans, c'est la moyenne. C'est 35, c'est vieille millennial, peut-être la génération d'avant. Alors oui. Parce que moi, je suis un millennial à 32 ans, mais tu sais, je suis comme d'un premier de la gang. OK. Mais c'est ça. Fait que si la médiane est à 35, t'en as des un petit peu plus jeunes, t'en as des un petit peu plus vieux. Fait que ça chevauche. C'est compliqué. Je pense que ça chevauche génération Y puis les millennials, kind of thing. Génération X. Ou peut-être X. L'exillennial. It's a thing! It's a thing! It's a thing! My God, tout est autour de l'ignol à cette heure-là. Listen. Les années 2000. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans les stratégies globales d'approche en prévention de santé sexuelle depuis la PrEP? Ou un peu avant, un peu après? Mais... Ben, moi, je pense que généralement, puis c'est peut-être un biais, là, parce que je m'intéresse beaucoup plus au sujet, mais, oui. Mais je pense que généralement, on commence à penser la prévention avec une approche beaucoup plus de harm reduction, là, c'est-à-dire comme des plus, ouais. Plus de stratégies mixtes. Là. Ouais. On commence à situer la PrEP parmi beaucoup d'autres préventions. Ouais. Puis ce qui permet, en fait, comme on vient de le dire depuis tantôt, là, ça permet de dire out loud sans se faire regarder de travers que faire du sexe sans condom, c'est possible, ouais. Et que c'est le fun. Oui. Tu sais. Ouais. Ça, c'est une des plus grandes. Parce qu'il y a aussi un shift, je trouve, ouais. Entre on vous demande de changer vos habitudes versus on essaie de couper la chaîne de transmission. C'est pas la même chose, je trouve, que de passer. Bon, mettre un condom, ça rentre dans le changement d'habitude, mais c'est quand même quelque chose qui est plus à grand déploiement, straight, queer, whatever. Genre, je pense que le condom, c'est partout, mais. Dans le milieu gay, on vient d'en parler, puis on vient de le redire et de le redire. T'sais, c'était beaucoup limiter vos sexes. La meilleure chose, c'est l'abstinence. Là, maintenant, je trouve qu'on est plus dans une espèce de prévention continue où il y a un peu moins de shaming, justement, sur des habitudes sexuelles. En tout cas... Puis les straight bareback, tellement plus que nous autres. Ben, absolument. Genre, puis they don't get shamed for it, là. On est rendu combien? On a 8 milliards de preuves sur Terre de tout ça. Ben! Non, mais c'est pas juste les straight qui peuvent faire des enfants. Attention. Mais quand même, mais je trouve que quelque chose de chiant aussi, c'est qu'en éducation sexuelle, genre globalement, c'est toujours une impensée ou c'est jamais quelque chose de mentionné, la PrEP, juste parce que l'éducation sexuelle est encore pensée pour des jeunes en fonction du fait que ces jeunes-là sont straight. Puis on va faire comme oui. Une petite note en bas de page, là, aussi « be nice to the gays », mais genre jamais d'éducation sexuelle pour genre les queers. En même temps, la PrEP pourrait bénéficier aux straight aussi. Mais ben, c'est-à-dire que oui. C'est ça, il y en a aussi pour que ça pourrait bénéficier. Bon, de mon expérience aussi là, de faire de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, c'est qu'ils sont tellement stressés avec les ITSS, parce que c'est tellement la seule chose dont on leur parle que genre des fois, ils veulent des moyens de prévention que t'es comme « girl, you need to chill ». Genre, t'as 15 ans, on va pas te mettre ça après. Mais en même temps, je pense que c'est utile à savoir puis que si on était capable d'avoir vraiment une éducation sexuelle genre qui dédramatise la transmission du TSS puis qui parle de manière vraiment ouverte de la réduction des méfaits, could work, could be fun. Quelle éducation il resterait à faire autour de la PrEP au-delà des stigmas qu'on a déjà nommés? Question ben, tough. Bon, tu sais, il y a ce qui revient souvent dans dans la littérature, que bon, on s'axe, dans le fond, on formule l'accès à la PrEP comme on doit le formuler, là, comme un genre de devoir ou des rendre plus accessible. Ouais. Mais avec ça, on oublie que bon, il y a plein de gens qui n'ont pas encore accès au traitement, point ou sud, ouais. Ou également des manières parallèles qu'on est encore dans un contexte de criminalisation de la non-divulgation du VIH effectivement. Du VIH au Canada même. C'est encore criminel de ne pas dévoiler son statut. C'est ça. Oui. C'est ça. Ce qui est quand même le fun aussi pour les personnes séropo, que plus il y a de gens sur la PrEP, plus il y a de gens aussi qui ont plus besoin de te demander c'est quoi ton statut sérologique, parce qu'ils sont comme moi je suis sur la PrEP. Fait que tu sais, comme je peux bien... t'as moins besoin de savoir, tandis qu'avant, c'était une donnée plus importante. Oui. Parce que si t'es séropo, ben c'est chill de bareback avec toi parce que t'es sous médication puis t'auras pas de charge virale. C'est plus safe, en fait, qu'avec quelqu'un de séronègue qui pense qu'il est séronègue, mais que c'est depuis la dernière fois qu'il a été testé, fait que tu sais pas. Ouais. Ouais. Puis en fait, c'est ça, c'est que souvent la PrEP et la prévention, elle est très centrée sur les personnes séronégatives, mais on oublie aussi de rappeler, bon, que undetectable equals genre intransmissible, indétectable équivaut à intransmissible. Ouais. Puis comme lutter de manière globale aussi contre le stigma des personnes séropositives. Est-ce que, je ne sais pas si on a des données là-dessus ou si on est au courant, mais... On va en trouver. On va en faire, ouais. Parce que, tu sais, bon, la PrEP étant ce qu'elle est, est-ce que ça... Parce que ça a quand même, je pense pas me tromper si je dis que ça a été quand même populaire dans les communautés gays nord-américaines, là, ça a quand même pogné, la PrEP. Oui, oui. When it works, it works. Est-ce qu'on voit que les gens, justement, étant donné qu'ils se conscientisent plus, est-ce qu'on voit un petit peu une baisse des stigmas reliés justement au virus du VIH ou aux personnes qui vivent avec le VIH d'une façon ou d'une autre? Je pense qu'il y a des bulles différentes, en fait. Ou est-ce qu'on pense que ça va aider? Je pense qu'il y a des bulles de prépeur où genre ça... comme ça, ça évolue. Puis je pense que il y a... C'est pas nécessairement tous les gens qui sont pas des prépeurs qui sont absolument résistants, tu sais. Ouais. Mais je pense que il y a comme des gens pour qui c'est la pelule le plus difficile à passer. La poignez-vous. Non, mais c'est ça, tu sais, qui sont plus dans des modèles old school de prévention, puis pas vraiment dans une attitude de réduction des méfaits. Puis au final, genre... Des fois, je trouve ça tough, parce que je trouve que ces gens-là aussi, ben, ils sont humains, puis ils fuck up des fois, puis je pense que ça doit être encore plus dur de fuck up certains trucs de prévention, puis après ça, d'avoir à, comme, avec le discours que tu tiens, puis là, tu veux le garder, parce que là, tu vas te sentir jugé, mais que là, en même temps, tu dois vivre avec le fait que, genre, t'as peut-être pris des risques avec lesquels t'es pas à l'aise. Ouais. Comme, je trouve que c'est compliqué, puis je pense que c'est juste des milieux où c'est moins facile de parler de sexualité, tu sais. Ces milieux-là existent encore, soit parce qu'on est une gang de moon que c'est plus facile, tu sais. Il y a des gangs de moon qui parlent moins de cul entre eux autres, puis de manière juste positive, tu sais. Les études qualitatives démontrent qu'il y a comme un certain... J'haïs dire ça, les études qualitatives démontrent, ça fait tellement académique, je m'excuse. Une dernière toute fois. Ah ouais, on va mettre de l'autotune dessus, ça va être ton premier single. Les études qualitatives démontrent. Puis démontrent dans les études qualitatives, c'est des fois... C'est très grand. Oui, c'est un verbe à prendre à la légère. Vraiment, vraiment, surtout dans les études qualitatives. Bon, je continue. Que dans le fond, la PrEP a amené vraiment toute une... des débats entre les... ça veut dire « safe sex ». C'est-à-dire, dans ces débats-là, on commence à redéfinir, bon, avec l'ouverture envers les sexes sans condom comme possibilité des « safe sex ». Moi, je pense qu'il y a quand même, une petite révolution. C'est ça, une petite ouverture, du moins, à avoir moins de stigma, en tout cas, dans mon comment je les interprète, du moins. Ça. Ouais. Moi, c'est une question que j'aime tout le temps se poser parce que des fois, on fait, souvent comme personne queer académique, des fois, on va se lancer dans une recherche en sachant déjà pas mal qu'est-ce qu'on va trouver parce que le monde étant ce qu'il est, des fois, c'est facile de deviner que si on fait une étude sur la qualité de vie des personnes queer, on va se rendre compte que leur qualité de vie est moins bonne que les autres. Ça sera jamais bien long. Y a-tu des choses, toi, dans ton petit parcours académique que tu t'es dit, mon Dieu, je pensais jamais que ça allait arriver, genre des statistiques, une donnée, des surprises, là, que tu t'es dit, ça, je l'avais pas vu venir. Tu peux prendre un long silence, on fait du montage. J'y pense. Mais j'ai rien qui me vient en tête parce que j'ai fait de la prévention depuis genre que j'ai 15 ans. T'sais. C'est comme. Il n'y avait peu, pas de surprise. C'est-à-dire comme. Fait qu'il n'y a pas de surprise. Fait qu'on finit sur une pas de surprise. Pas de surprise. Moi, As a Virgo, de toute façon, j'ai ça, moi, les surprises. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Moi, ce que j'aime le plus. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Moi, c'est les petits posts Facebook de comme, hey, y a-tu quelqu'un, là, genre, dans un schlag ou centre-sud qui pourrait me passer une prep? Genre, est-ce que, tu sais, quelqu'un est juste, genre, resté dormir chez quelqu'un, puis là, faut qu'il prenne sa prep. Tu sais, moi, ça réchauffe mon cœur. Genre, quand les gens mettent dans leur story. Tu m'as invité dans ces groupes-là, moi, mon Facebook. Moi, mon Facebook, c'est tout le temps bonjour, les gens sur Facebook. Que je recherche une drill. Ouais. J'aimerais bien mieux du monde qui cherche de la PrEP. Ça va me taper ses nerfs tout autant, mais au moins ça rentre dans mon. Dans ma culture. Prêter des pelules à une girl, là, à une sœur, moi je suis comme anytime. Là. Ah, oui. Je trouve ça tellement cute. Bon, ben, s'il y en a qui veulent des séroquels, appelez-moi. Ça dort bien. Yes! Fait qu'on va aller chercher un dernier petit café et on vous revient. On veut le café. Comme d'hab. Ben oui. C'était tout pour notre épisode de cette semaine. Merci, Ali, d'avoir été là. Avec plaisir. T'as-tu des plugs, genre? T'as-tu des affaires qui s'en viennent, qui sont le fun? Ou genre, t'es juste content d'être là? Je suis juste content d'être là pour le moment. Fuck yeah! Vraiment remercie. Je suis bien trop content d'être heureux. Oui! J'adore ça. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2. Fif, avec un X à la place du I, parce qu'on veut pas se faire chatter dans le temps. Et merci! On voudrait pas. Et... de fif le matin, tout en un mot, comme toujours. Oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts. Oubliez pas de nous partager sur les réseaux sociaux. Ça, là, c'est la clé de tout. Parce que sinon, pour payer de la pub, on n'a pas d'argent, on peut pas payer de pub, on est pauvre. Fait que partagez-nous partout. Et on se revoit la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, les moines. Salut.